traduire. Je vais faire en Yolande. Fais un thé là. Malakite. Tu peux venir traduire. Si mon Yolande est en bas. Ami Barkada Matigye, Omi Bilondi Amatou, Walisa Ankaka, Kabon Konoka, Kakuma Lame, Anika Bato Katami. Nous disons merci à Dieu qui nous donne ce jour de pouvoir nous rassembler dans sa maison pour encore l'adorer et le célébrer ce matin. Ola, Amna Tani Ala Kakumaye, Katuni, Anka Nimbalo Bisola Wulila. Nous allons dire la parole de Dieu. Parce que nos âmes sont nourries à travers cette parole. Nous allons lire ensemble un passage. Donc, amna yolo mi kala o bisro Matthieu kitabula. Matthieu sera wolonfla avec ses mugan nan ka tabla mugan wolonfla. Nous allons lire un passage dans le livre de Matthieu, le chapitre 7, verset 24 à 27. Pour chercher quoi lire. Pour toi, c'est en anglais. Matthieu, sera wolonfla, avec ses mouan nana kabla mouan wolonfla. Matthieu 7, verset 24 à 27. Nia, ça va, il va kala. Nous allons lire ce passage. Bon, ma version, c'est 10 secondes. Je pense que on va faire exception à la règle qui passe. Ok, disons la pluie est tombée. Les torrents sont venus, les vents ont soufflé. C'est là-bas? Matthieu 7, 24 d'abord. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé. Et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée. Et sa ruine a été grande. Ok. En bas, il y a un peu de temps. Et ce passage que nous venons de lire, Yesu le tumukumana. C'est Jésus qui parlait. Aya foko. Il a dit que. Ni moro bi ale ka kuma la me. Ani aba bla bala la. Celui qui écoute sa parole et met cette parole en pratique. Abonbi moro mi mami ya ka sojo farakuruka. Et est semblable à un homme qui a bâti sa maison sur le roc. Ani afola ko sangiba nana. Et la pluie est venue. Et pour battre tira. Et les vents ont soufflé. Ani obon mabi. Mais cette maison là ne s'est pas écroulée. Obon tola katuni aju jola farakuruka. Cette maison a résisté parce qu'elle était fondée sur le roc. Ambayoko daba kankanka ka danaya dusi Yesu leka. De cette manière là nous voyons que le chrétien doit bâtir donc sa foi sur Christ. Ani ni ali anka danaya sigi Yesu ka. Si le fondement de notre foi est en Christ. Ani ni alors na tola la. Et si nous restons proches de lui. Na nord na tola la. Attaché à lui. Uh-huh. Ola, hal ni poyon kira, hal ni jiba nana, atina se ka se sora anka. Et si les vents soufflent et il y a beaucoup d'eau, nous n'aurons aucun effet sur notre foi. Nga, ni alona mato matila. Mais si nous ne sommes pas attachés à lui. Amna ka kuma yoro flana, yukuma mi fo yoro flana nan. Et nous serons semblables à la deuxième partie de notre passage. Amba yeko afora ko ni mimba le ka kuma la main ani atabla bara la. Et à ce niveau, il est dit que mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique. Abon bi mo mi mamie akaso do tenkenka. Et sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Ni bon jola tenkenka. Si une maison est bâtie sur le sable. Amba ekone jiba nana. Et au moment des inondations. Jibi se katanaï. L'eau peut emporter cette maison-là. Amba yoko samiatu naya korsi aba yoko ni jisra biyolo yolo la ni sangiba nana kateme na yiflele ke abna keke ye chama yolo la. Et pendant l'hivernage, on a l'habitude de voir que là où bon y a des dépressions, voilà fréquemment le sable est entassé donc sur les passages de l'eau. Ani ni bon jola kenkenka tuma mna ne jibna kenkenke abo bom te ni ko kenkenke kata. Et si la maison est bâtie sur le sable, au moment où l'eau sera en train d'emporter ce sable là, et l'eau emportera également cette maison là. Wodo koso Yesu ban ladiko ko ni ambuna bojo anka jo farakruka. Raison pour laquelle Christ nous encourage à bâtir sur le roc. Wo farakru mi ya le Yesu yele. Ce roc qui est Christ lui-même. Anka yika anka nyalma ya jo Yesu leka. Notre vie doit être bâtie sur ce roc. Wo korako di. Et cela signifie ko Yesu le banka nyalma ya nyamna. Et que Christ est au devant donc à la direction de notre vie. Nga ni ama oke. Si nous ne faisons pas cela. Di aka gwele ya bina. Et les difficultés de ce monde vont venir. Ni wo gwele ya nana. Et si ces difficultés arrivent. Abuna anka dana ya yoro yoro. Et ça va éprouver donc notre foi. Anini ama bamba ambibi dana ya la. Et si nous n'avons pas fourni d'efforts en ce moment, notre foi va s'écrouler. Wodo koso anka anka jigibe anka dana ya bejo Yesu Kristaka. Raison pour laquelle notre foi doit être bâtie sur Christ. Ani amba yeko a kumana ko ni mimba le ka kuma me. Ani ababla barala. Il a dit que celui qui écoute cette parole et la met en pratique. Ni ambiala ka kuma metuma utuma. Akanka jija ko kuma bla barala. Si nous écoutons, à tout moment que nous écoutons la parole de Dieu, nous devrons nous sacrifier, donc fournir suffisamment d'efforts pour mettre cette parole en pratique. Ni ama jija ka wo bla barala. Anka tanabna ke fouye. Si nous ne mettons pas cette parole en pratique, notre foi n'aura pas de sens. Wodo koso Yesu ban jija amana alaka kuma la main motma anka jija choko bela ka nyini ala fa ka o fanga di ama anka se ka bla bala la. Christ nous encourage qu'à tout moment que nous écoutons sa parole de faire l'effort de mettre cette parole en pratique. Ni anka bla bala la. Amba yoko antiseka se solo encadrer sa tamaka. Et si nous ne mettons pas cette parole en pratique, nous ne pouvons pas être des vainqueurs. Wodo koso anka anka diya tuma beka alaka kuma bla bala la. Donc faisons l'effort de mettre cette parole en pratique. Amna yoro do kalanka wo tiet kitabula. Et nous allons lire dans le livre de Pierre. Pierre se va fla avec ses colontons. Et le chapitre 2, verset 9. Pierre, follow, ça fait verset 9. 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. Donc, 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amba yeko nyapiele ukumana. Ako amunu ye tanabo ye ala ye au nyana tomo kan bladana. Et Pierre nous dit ici que nous qui sommes chrétiens, c'est Dieu lui-même qui nous a élus et il nous a mis de côté. Ako ankara sia nyana tomno ye. Nous sommes une race élue. Ani ankara sia nyana tomno sienmo ye. Et nous sommes nous constituons un sacerdoce royal. Donc ni ala eba foko anka sienu ayan bladana walisa anka tama sienmo yala. Et si Dieu lui-même dit que nous sommes saints et qu'il nous a mis de côté, donc pour que nous puissions continuer à marcher dans cette sainteté, nous devrons travailler également dans ce sens. Nous ne devrons pas marcher comme ceux de ce monde. Nous devrons également faire l'effort d'être à part, que nos comportements soient également à part, que ce ne soit pas comme ceux de ce monde. Ani amna yoro do kala mimi kuma fe okola kagwea omi mi solo me kan kitabu la satan flavete kelen katabla saba. Nous allons lire dans le livre de Romains le chapitre 12 verset 1 à 3 qui nous donne plus d'éclaircissement sur cette partie. Romains satan fla Romains 12 avec kelen katabla saba 1 à 3. Donc, disons, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été c'est bon. Un à toi. Oui, je n'ai pas lu le troisième. Bon, j'avais besoin de Dieu. Okay. Donc, un à deux. Donc, en bas, il y a quoi, il y aura Mikala, c'est ça. Et le passage que nous venons de lire. Paul le tombé et Romain Dijara. Et Paul exhortait les Romains. À quoi? Il l'a dit. Nibu au deli. Alaka makalko koso. Aoka ou yere di. Saraka nyanmaye. Et je vous exhorte donc par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Ko aoka ou yere di. Iko saraka nyanma. Offrez-vous comme un sacrifice vivant. Saraka nyanma ye mouye. Le sacrifice vivant c'est quoi? O kora ko nyanma ya kon bi nyanma ya bi la nga ita nyanma ya ni ita ika ta imakan ka nta lo mbuna fo chukum na gafam imakan ki yele be isa wo ketu nga i yele dimima ika ko sa wo leke. Et la vie est en toi et cette vie là tu dois la sacrifier à celui à qui tu as donné ta vie. Omiye Yesu e kan ki kan nyanma ya be di Yesu ma ani ka sun aleta ma o koro ko e kan ka fo ina fo Paul ya fo chugumna ni ni bi nyanma ya ni reti nyanma ya nga Christel bi nyanma ya ne kono. Et tu dois donner toute ta vie en Christ et au point de dire comme Paul, si je vis ce n'est plus moi qui vis mais c'est Christ qui vit en moi. O koro ko esa gote tugu ta volonté ne doit plus se faire nga ala sa volonté. Seule la volonté doit régner. Nibna kowo koke ikanika fle yala ala sagolo nikani kokewa. Et tout ce que tu dois faire, tu dois examiner pour te rassurer si c'est la volonté de Dieu de te comporter de cette manière. Ni ya yeko ala sagote ikanikoko dabla hal nakadi yere. Si tu vois que ce n'est pas la volonté de Dieu, tu dois abandonner ce comportement. Nga ni imaso ku yere di sarayi. Mais si tu n'acceptes pas de te donner comme un sacrifice vivant, tu vas voir que dans tes actes, c'est ta volonté qui sera prioritaire. Paul bi am jija bi atuyi lo me kan jija wati la me bi abi ne ne au jija ko an kan yere be di ka ke salaka nyalma ye. Ce message de Paul à l'endroit des Romains s'adresse à vous et moi aujourd'hui que nous aussi nous devrons nous donner comme des sacrifices vivants à Dieu. Ani afora ko lu kaji Allah ye. Et il a dit que cela plaît à Dieu. Donc an kan kan yere be di walisa o kaji Allah ye. Nous devrons nous sacrifier pour que cela puisse faire plaisir à Dieu. Ani amba ye ko verset flana kuma na ko do la. Et le chapitre le verset 2 nous dit ceci. Ako e kana yere kene die ka ko ka tawye. Ne vous conformez pas au siècle présent. Nga awka yelmani soro. Mais soyez transformés. Ani wolo bina ke fenyuma ye alama ni yelmani dona anka nyalma la wo bina ke anko bi dia alay. Si notre vie a été transformée, cela fera plaisir à Dieu. Ga jombi se ka yele ka nyalma yelma. Et qui peut transformer sa propre vie? Moko be ya mi se ka yele ka nyalma yelma. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut transformer sa propre vie? A folo wo ye kwanka yoro di ni senuma. Et premièrement, cela veut dire que nous devrons donner la première place au Saint-Esprit. Allez, le biso ko yelma do anka nyalma yala. Pour que le Saint-Esprit accomplisse cette transformation en nous. Ga ni senu ti baraka ni an yede mason ka yoro de ama. Le Saint-Esprit ne peut pas effectuer cette transformation si nous ne lui avons pas laissé la place. Ni an yan yele be di ama. Si nous acceptons, nous laisser totalement à lui et que nous lui demandons de transformer notre vie, il le fera. Si nous ne faisons pas cela, si nous n'avons pas laissé la place à l'Esprit Saint, nous allons dépasser 10 ans, 20 ans dans l'Église, mais il n'y aura pas de transformation dans notre vie. Si notre vie n'a pas été transformée, Dieu ne peut pas nous aimer comme il est dit ici. Nous ne pouvons pas plaire à Dieu comme... Donc nous ne pouvons pas plaire à Dieu comme il est dit ici. Donc, Allah me minini en fait, ou yoko yelmani kasro, en paix qu'il n'y a pas de yelmani. Et ce que Dieu nous demande est qu'il y ait cette transformation dans nos vies. Gani anka, dana yadou sigra yosuka, ka kobe, ka yesu te akadou anka yana yina fo poli afo chokomna, konne bin yelmani neti yelmani tu, ga kristale bin yelmani yokono, amna yoko yelmani binatu. Si notre foi est fondée en Christ et que nous lui avons laissé la place, s'il a pris et s'il règne en nous, nous pourrons dire ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Ani wotmana am a fora yan tomna ko ambeke meromio komi meromino ko bi ja alaye wo ko bi dafa anka nyanwa ya kono. Comme il est dit ici, nous serons des gens auxquels Dieu prend plaisir et cela sera accompli dans notre vie. Ola amna yoro dofle me yananga yoro dofle amna kuma katene ni die kakoye. Avant de lire notre passage, nous allons un peu nous prononcer sur les choses de ce mois. Amba yeko ni Paul ya foku anka na anka kokata kene ni die taye. Si Paul dit de ne pas nous conformer au siècle présent, koro bala, il y a un sens à cela. Dinya bi ko dinya ka ko bi yelma yelma. Et à tout moment, tout varie, tout change dans ce monde. Nga ni amma nga ko kene ala tay na ya kene dinya tay dinya bi yelma choko muna afna bda yelma o choko la. Et si nous n'avons pas fondé notre foi en Christ, si nous n'avons pas pris notre appui sur lui, à tout moment, de la manière que ce monde change là, notre vie sera de cette manière. Ani amba yoko ni tie tumbi yelma choko nyuma na akany. Et si ce monde changeait dans le bon sens, c'était bien. Et si nous regardons ce monde, ces changements qui interviennent, est-ce dans le bon sens? La majorité de ces changements-là partent dans le mauvais sens. Si on parle de, d'un tel habit qui est à la mode, Il y a des moments où nous voyons certaines modes, et en tout cas qui ne doivent pas attirer le chrétien. Au séminaire des jeunes filles, on en a parlé. Donc vous voyez bien, celles qui portent les jupes jusqu'à ce niveau-là. Et tu vas dire que tu es chrétienne et tu vas porter de cette manière-là. Ou bien, tu es au fana, vous avez un pantalon donc à Jigika dans le feuillet. Les gars qui vont porter les pantalons et puis les descendre jusqu'à bas. Pour le bisangala. Et que c'est la mode. Yala, dans la bataille en cours. Est-ce que le chrétien doit faire cela? Aïe, Yabi, Akanywa. Akanywa, Kamleo. Akanywa, Sumru. Ah, Akanywa. Ah, Amaï. Non, il y a Amaï. Il y a quoi, Amaï? Amaï, Kena. Et si vous voyez vous-même que ce n'est pas bien, c'est que ce n'est pas bien. Donc, Akanywa, Korsilike. Nous devrons être vigilants. Les changements qui interviennent, si c'est bien, nous pouvons suivre. Ngani a titane alaka kumaye ankanko koye katwe. Mais si ces changements sont contre la volonté de Dieu, nous ne devrons contre pas suivre. La parole de Dieu. Contre la parole de Dieu, nous ne devrons pas suivre cela. Wolo koso alaka kuma ba foko anka alaka kuma kalantuma be. Et raison pour laquelle la parole nous exhorte, la parole de Dieu nous exhorte à lire toujours la parole de Dieu. Ni amba kalantuma bela. Si nous lisons à tout moment. Koko manana Dieu mi ma be alatama amna famu ko ni ma be alatama. Et tout changement qui va intervenir dans ce monde, nous saurons que si c'est la volonté de Dieu ou pas. Gani anta kalando. Et si nous ne lisons pas. Donc il est à kala, mais nous alaka kuma di. Et il y a des gens qui ne vont pas lire et quand on va enseigner, ils vont encore critiquer. Tout chrétien doit lire la parole de Dieu. Et cette lecture ne doit pas se limiter au jour du dimanche seulement. Et cette parole, Dieu nous dit que cette parole est la nourriture de notre âme. Si nous ne mangeons pas, est-ce que nous pouvons vivre? Et qui peut faire 3 jours ici sans manger? Atigibea. Atigibe. Vous pouvez faire 3 jours sans manger? Moi, j'ai déjà 3 jours? Sans manger, sans boire. Sans boire, non. Non. trois jours. Sans manger. Sans manger. Mais, quand c'est qu'à faire un solo. Ça fait du bien, mais non. Ça fait du bien, je ne vais pas manger. Ça fait du bien. Pour pouvoir vivre, il faut que nous mangeons, il faut que nous vivions. Et la parole de Dieu, c'est la nourriture de notre esprit. Si nous faisons 3 ou 4 jours sans lire, et sans lire plutôt cette parole-là, ça va être difficile d'avancer. Et si nous Naya la me wala naya kala anka bla bala la. Et la parole de Dieu nous exhorte à lire les Écritures saintes et aussi à écouter sa parole et nous exhorte également à non seulement écouter à lire mais aussi à mettre cette parole en pratique. Ni amba bla bala la abuna anka nyama ya yelma. Si nous mettons cette parole en pratique, elle va transformer notre vie. Nga ni amba la metron anta bla bala la. Amba yeko Yesu yo foko comme mon mi yaka bonjo kenkenka. Si nous écoutons simplement et que nous ne mettons pas cette parole en pratique, ce serait comme Christ l'a dit, c'est comme si nous avons bâti notre maison sur le sable. Ore atunya ni ankana ka alaka kuma la me ankan diskun la be. Et pour écouter cette parole, nous devons aussi préparer nos cœurs. Quand yani ka boso kana alaka kuma la me ala deli. Nebna taika kuma la me lisla. Ika ne deme walisa. Nebna kuma min la be ne ka se ka famu ani ne ka se ka tama ka kene oyi. Et avant de quitter la maison pour venir écouter la parole de Dieu, nous devons prier, demander à Dieu de nous permettre de comprendre cette parole que nous allons venir écouter et aussi surtout mettre cette parole en pratique. Kuma chama ne semnel be nyane kata o semnel nyona ka kalan la main ne bito ko deli ke nyane kata. Et au moment des séminaires avant de partir, je prie. Ne bi deli ke walisa matika ne deme ne bina ta kalan min la main ni ka se ka bla bara la. Et je prie, demandant à Dieu de me donner la force, la parole que je vais aller écouter, que je puisse la mettre en pratique et que le nom de Dieu soit glorifié. Et si nous ne faisons qu'écouter, nous n'allons pas avoir de bénédiction en cela. Odo koson, anka di ya choko bela. Yelmani kasoro anka nyalma yala die mo ko kase ka anka nyalma yaye ka nolo da anfa ala togoka. Raison pour laquelle nous devrons toujours travailler à ce que il y ait cette transformation dans notre vie et que ce monde puisse voir que réellement il y a eu ce changement, cette transformation dans notre vie. Amba yeko ni die ni sisa o ka ketchoko ye ni eko mo chama bi jado yake ani uta jati koye. Et nous voyons dans ce monde que les gens commettent l'adultère et ne voient plus que cela est mauvais. Oulou fait à caca. Ils vont voir que cela est bien. Oui, bien qu'à quoi. C'est le monde qui voit les choses ainsi. Mais amenouye à la déouye, amenouye dans la baouye. Nous qui sommes les enfants de Dieu, nous. En cas qu'à quoi, c'est nickel. Et nous devrons être vigilants. Amna yola d'okala. Nous allons lire un passage. Amna yola minkala. Obisa Exode. Exode sera moi. Avec cet anani. Nous allons lire dans le livre d'Exode, chapitre 20, verset 14. Tu ne commettras pas d'adultère. Olo, au verset ko, oye ala tuye, ton minuti Israël d'Oma. Et ce verset est l'un des 10 commandements que Dieu avait donné aux enfants d'Israël. Ako, imankan ka jadu yake, ikana jadu yake. Tu ne commettras pas d'adultère. Nga bidien na est-ce que ba le jati wa. Et est-ce que dans ce monde aujourd'hui cette parole a un sens? Dieu mo ko bo sa ko ke. Et dans ce monde les gens c'est leur volonté qui les concerne. Nga ala ko amnu ye dana ba oyé. Dieu dit nous qui sommes chrétiens ko ankana jado ya ke. Nous ne devrons point commettre d'adultère. Nga an danaba wanka yika kwa silike uko kana sora anga yan maya kono. Nous devrons être vigilants afin qu'il n'y ait pas cela dans notre vie. Ni hali ni amine cheye ni ama furu ama nganka jane wo cheye. Et si nous sommes avec un monsieur, si nous ne sommes pas mariés, nous ne devons pas nous unir avec cet homme-là. Ni à la que j'adore. Si nous faisons, c'est de l'adultère. Wolo, à la capumako, en cana j'adore. La parole de Dieu nous exhorte à ne point commettre l'adultère. Ani anka kotsi ke nambi tayoro minu na mimi se ka ambla ko ko ke alama na ambisi ka ke je n'ai pas bien saisi ina fa yoro do be o katel ko ko ke an dan ba ka kotsi ke an kana tayoro la donc là où nous pouvons voir que en partant dans tel ou tel lieu c'est serait un lieu favorable donc pour commettre l'adultère nous devrons être vigilants pour ne pas aller dans ces lieux là. Nous devons fuir de tels lieux. Ambayeko Joseph Kato et Potiphar Bolo, Abayeko Amuso Tumbanini, Kwakalanae, Joseph Yimunke, Abola. Et nous avons vu que lorsque Joseph était dans la maison de Potiphar, quand la femme de Potiphar voulait commettre l'adultère avec lui, il a fui. Abola, parce que dans l'aura, et il a fui parce qu'il savait qu'en restant là-bas, ça va être compliqué. Donc, ça, il allait commettre cet adultère. Et la parole de Dieu nous exhorte à fuir le péché. Ni ami fait casser ça, quand la foi encore. Si nous voulons être des vainqueurs et rester debout dans la foi, nous devrons fuir donc le péché. Ani ankanika anorne kato yesula. Et nous devrons nous attacher à Christ. Ni anorne tola yesula anake se solobawi. Si nous demeurons en lui, nous allons être des vainqueurs. Alaka kumako amana miwo mimbe alaka kumana anko blabala. Et la parole de Dieu dit tout ce que nous entendons de Dieu, nous devrons mettre cela en pratique. Gani anta blabala la. Si nous ne mettons pas cela en pratique, notre foi ne sera pas affermie. Ani amba yeko, kanto dana yasra tamana, gwelia ba nkumbe. Et nous voyons aussi dans notre marche avec Christ, il y a des difficultés. Nga anka kese solo baoye, ni ambition kato deni lefana. Mais face à ces difficultés, pour être des vainqueurs, il faut que nous acceptions de prier. C'est la prière qui va nous aider à remporter la victoire. Dans ce monde, il y a trop de difficultés. Et tout ce que nous avons dit ici, pour être des vainqueurs, il faut que nous puissions demeurer dans la prière. Si nous demeurons dans la prière, Dieu va nous donner la force donc de vaincre ces difficultés-là. Si nous ne demeurons pas dans la prière, ça va être difficile donc d'être des vainqueurs. Je vous exhorte à prier, à vous attacher à Christ. Surtout à mon yeux, comme les nous les yeux. Akawati kabwele. Les temps sont difficiles. Antawati la, ninko tu manchati. Jado ya ko miete atu manchati. Tout ce que nous voyons n'était pas à ce niveau-là. Ga assisani akadjubu. Donc akanga noro ala akateme foloka. Maintenant tout s'est aggravé et vous devrez vous attacher plus à Christ. Et c'est ce qui vous donnera la victoire. Si vous ne demeurez pas en Christ, vous allez trébucher. Nous allons lire un dernier passage. Philippiens 4. Philippiens 4, verset 13. Philippiens 4, verset 13. Quelqu'un peut nous dire ce passage? Je puis tout par celui qui me fortifie. Oh, en y aura mis qu'à la 6 ans, Uba for ko ni bi ni se sora fe be ka eh kateme mimbi ne jija. Et ce passage nous dit je puis tout par celui qui me fortifie. Jolo bi anjija. Qui me fortifie? Yesu lo. C'est Christ. Ni anti tini tola ale ka ale bi anjija. Si nous demeurons en lui, il va nous fortifier. Ani ale le bina fanga di ama ka se so ni tie ka gwere o ka. Et il va aussi nous donner la force pour remporter la victoire face aux difficultés de ce monde. Gani an du sigla maka ale ka abuna gwere ama an yele fanga ka se ka se so. Par contre, si nous ne sommes pas ancrés en lui, ce serait difficile donc de remporter la victoire. Wodo ko so bi so ma ibi ambe kelen jija an norni ka to kristala. Et raison pour laquelle je vous exhorte ce matin et que nous soyons toujours attachés à Christ. Ani amba ye ko dana sa ta ma ka gwele. Ko bo lu be. Nous voyons que marcher dans la foi c'est difficile parce qu'il y a beaucoup d'épreuves. Si ta la ban ko robo. Satan nous éprouve. Dieu fana ba encore là. Et ce monde aussi nous tente. Wodo ko sa anya ti on ka ka to mati Yesu la. Raison pour laquelle nous devrons avoir les yeux fixés sur Christ. Ne emi nya jo no to la Yesu la ni ko bo ni na na choko choko ina se so. Et si nous avons nos yeux fixés sur Christ au moment de la tentation, nous allons remporter la victoire. Al ne kwelia na na choko choko. Au moment des difficultés, amna se so. Nous allons remporter la victoire. Amba yeko ni ayi Paul miye ni lettre sebe ka di Elizuma. Na ya ka nyal ma afle Paul segna. Et ces épîtres que nous venons de lire, Paul qui les a écrit lui-même, sa vie a été difficile. Ani am tuman no Paul ma. Ça n'a pas été facile pour lui. Oya toro. Et il a souffert. Moro ya toro dana ni koso. Et les gens lui ont fait beaucoup souffrir. Nga Paul jora. Mais Paul est resté dans la foi. Oya mna ka dun kasula Yesu toro ni koso. On l'a emprisonné au nom du Christ. Nga Paul tora kantri yala. Paul est resté fidèle. Gani an lo do. Et si c'était nous? Ni tora sera ma amna to kantri yala wa. Est-ce que au moment de cette souffrance là nous allons rester fidèles? Ni tora sera ama amna to kantri yala wa. Est-ce que si cette souffrance nous arrive nous allons rester fidèles? Ni an yanya jon to Yesu ka alemna fanga di ama hali ni tora nana amna to kantri yala. Si nous avons nos yeux fixés sur Christ, au moment de la souffrance, il va nous donner la force de rester fidèles. Par contre, si nous n'avons pas nos yeux fixés sur lui, ça va être difficile au moment de la souffrance. Et que Christ nous aide afin que nous soyons des gens qui mettent et en pratique sa parole. Amana lame otmotma anka nyini ala fa ko fangati ama anka seka bla barala. À tout moment que nous écoutons cette parole, qu'il puisse nous donner la force de la mettre en pratique. Ni amoke antna ke si salba yi. Si nous n'avons pas fait cela, nous n'allons pas être des vainqueurs. Ni kala nyini ala fa wo ko ala ka ambe kelengelen deme anka ke si salba yi. Mon souhait est que Dieu nous donne cette force afin que nous puissions tous être des vainqueurs. Que le Seigneur vous bénisse.